50 languages. 61. 61. 61. الأعداد الترتيبية. Les nombres ordinaux. Les nombres ordinaux. الشهر الأول هو كانون الثاني. Le premier mois est janvier. Le premier mois est janvier. الشهر الثاني هو شباط. Le deuxième mois est février. Le deuxième mois est février. الشهر الثالث هو آذار. Le troisième mois est mars. Le troisième mois est mars. الشهر الرابع هو نيسان. Le quatrième mois est avril. Le quatrième mois est avril. الشهر الخامس هو أيار. Le cinquième mois est mai. Le cinquième mois est mai. الشهر السادس هو حزيران. Le sixième mois est juin. Le sixième mois est juin. الأشهر الستة عبارة عن نصف سنة. Il y a six mois dans une demi-année. Il y a six mois dans une demi-année. كانون الثاني شباط آذار. Janvier, février, mars. Janvier, février, mars. Nissan, Ayar, Haziran. Avril, mai, juin. Avril, mai, juin. الشهر السابع هو تموز. Le septième mois est juillet. Le septième mois est juillet. الشهر الثامن هو آب. Le huitième mois est août. Le huitième mois est août. الشهر التاسع هو أيلول. Le neuvième mois est septembre. Le neuvième mois est septembre. الشهر العاشر هو تشرين الأول. Le dixième mois est octobre. Le dixième mois est octobre. الشهر الحادي عشر هو تشرين الثاني. Le onzième mois est novembre. Le onzième mois est novembre. الشهر الثاني عشر هو كانون الأول. Le douzième mois est décembre. Le douzième mois est décembre. الاثنى عشر شهرا هي عبارة عن سنة. Il y a douze mois dans une année. Il y a douze mois dans une année. تموز آب أيلول. Juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. تشرين الأول, تشرين الثاني, كانون الأول. Octobre, novembre et décembre. Octobre, novembre et décembre.